Pékin FM jusqu'au bout du monde. Pour ce troisième numéro de e-learning, mesdames et messieurs, amis internautes, il sera question de la physique-chimie en classe de troisième. Quel intérêt pour l'élève? Comment réussir ses calculs masse et poids? Quelle attitude doivent avoir des élèves devant un sujet de physique-chimie? Comment étudier ces leçons? C'est autour de ces interrogations que notre professeur du jour, Gwe Salia, s'efforcera de répondre, bien évidemment. Donc, la notion de masse et poids, c'est une notion qu'on voit en troisième. Je pense que c'est la première leçon même que nous voyons en classe de troisième. Et c'est une notion importante parce que dans la vie courante, ces deux notions-là sont confondues, la masse et le poids. Et on n'arrive pas à réellement faire une distinction entre la masse et le poids. Et en classe de troisième, dans ce programme-là, nous essayons d'expliquer ce que c'est que la masse, son unité, et ce que c'est que également le poids et son unité. Voilà. Ce que nous pouvons retenir d'avance, c'est que c'est deux grandeurs physiques. Ces deux notions-là sont des grandeurs physiques. Quand on parle de grandeurs physiques, ce sont des propriétés qui peuvent être mesurées en physique. Ce sont des propriétés en physique qui peuvent être mesurées ou calculées. Voilà. À l'aide de formules ou bien mesurées à l'aide de certains appareils. Voilà. Donc, la masse, c'est quoi? La masse, en réalité, ça exprime une quantité. Une quantité d'une certaine matière. Voilà. Quand on parle de la masse de candidats, en français, quand on voit une foule, on dit la masse de personnes, la masse de candidats, c'est pour exprimer un peu cette quantité-là. Et la masse se mesure avec un instrument que tout le monde connaît, c'est la balance. Voilà. Quand on va chez le boucher, quand on demande 1 kilo de viande, voilà, il mesure cette masse-là avec une balance. Tout à fait. En réalité, c'est la masse. Voilà. Mais beaucoup de personnes confondent avec le poids. Sinon, quand on va à la pharmacie également, quand on monte sur la balance, ce que ça nous donne, c'est la masse en réalité. Ce n'est pas notre poids. Voilà. Donc, la balance permet de nous donner cette valeur de masse-là. Donc, on peut avoir notre masse, comme aussi avoir la masse de viande qu'on voudrait. Et la masse a une unité. Son unité, les grandeurs physiques sont généralement accompagnées d'unités, mais pas toutes les grandeurs physiques. Voilà. Donc, l'unité qui accompagne la masse, c'est le kilogramme. De manière internationale, c'est le kilogramme. Mais à côté de cette unité-là, on a aussi d'autres unités telles que la tonne, ou bien le gramme, voilà, le milligramme par exemple, qui accompagne. Voici un peu ce que c'est que la masse. Et il faut rappeler aussi que la masse, c'est une quantité, ça exprime une quantité, la masse ne varie pas. C'est-à-dire d'un endroit à un autre, cette quantité-là ne peut pas varier. Si vous prenez une certaine quantité de viande, si vous partez à Paris, c'est la même quantité qui est dans donc votre c'est main. Invariable. Voilà, donc la masse est invariable. Et voici un peu ce qu'on peut retenir de la masse. Contrairement au poids, le poids est également une grandeur. C'est une grandeur physique qui peut être mesurée ou calculée. Mais le poids est plutôt une force. C'est une force. Et cette force-là, c'est tout simplement l'attraction de la Terre. L'attraction de la Terre, que la Terre exerce sur un objet qui est à son voisinage. Voilà. Donc, voici un peu ce que c'est que le poids. Le poids se mesure avec un autre instrument qu'on appelle le dynamomètre. Ce n'est pas la balance. C'est un autre instrument qu'on appelle le dynamomètre. Et l'unité qui accompagne la valeur du poids qu'on mesure ou qu'on calcule, c'est le newton. Voilà. Donc, c'est deux notions différentes qui sont reliées, qui sont liées par une certaine propriété que nous allons voir à la suite. Mais la première exprime une quantité, la masse. La deuxième, c'est une force. Voilà, c'est une force. Et tous les objets qui sont au voisinage de la Terre sont attirés par la Terre. C'est comme un aimant. l'aimant, il attire tous les objets en fer, par exemple, tout à fait, qui sont à son voisinage. La terre attire tous les objets, que ce soit en fer ou d'autres matières. Mm-hmm. Voilà. Donc, voici un peu ce que c'est que la définition qu'on pourrait donner à ces deux notions. Au-delà des définitions, de façon pragmatique, oui. Voilà, comment est-ce que les élèves doivent s'y prendre pour pouvoir faire des calculs, voilà, comment ça se passe véritablement. Parce que là, je pense qu'il y a des formules. Oui, il y a des formules. Mm-hmm. Il y a des formules et ces deux notions-là sont, comme tout à l'heure je l'ai dit, sont reliées, sont liées par une relation. Mm-hmm. Et ces formules-là, cette formule plutôt qui lie ces deux notions, s'est établie par une expérimentation. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'expérience, c'est quoi? On prend différents objets. Mm-hmm. Et ces objets-là, on mesure leur masse avec une balance. Mm-hmm. Et également leur poids avec un dynamomètre. Voilà, on note la masse et le poids de ces différents objets. Et on peut prendre par exemple un stylo, une gomme, un portable. Mm-hmm. Donc on mesure la masse et le poids de ces différents objets-là. Mm-hmm. Et ce qu'on constate, c'est que quand on fait le rapport poids divisé par masse, on constate que pour tous ces objets, on trouve une même valeur. Voilà, on trouve une même valeur. Et cette valeur-là a été nommée intensité de pesanteur. Qui se note G. Voilà. Ça demande tout simplement que le poids et la masse sont proportionnels. Voilà. Lorsque on a un objet qui a une grande masse, une masse élevée, mm-hmm. son poids aussi est élevé. Si on a un objet qui a une masse, une petite masse, son poids aussi est petit. Voilà. Donc, c'est grâce à l'intensité des pesanteurs qu'on arrive à trouver le poids à partir de la masse. Voilà, donc, le poids peut se calculer mm-hmm. en faisant quoi? La masse mm-hmm. multipliée par G, mm-hmm. qui est l'intensité des pesanteurs. Et l'intensité des pesanteurs varie d'un lieu à un autre. Généralement, sur la Terre, mm-hmm. l'intensité des pesanteurs, on prend, c'est 9,8. Mm-hmm. Mais pour les élèves de 3e, pour faciliter les calculs, on leur demande de prendre 10, parce que c'est à proximité. C'est pratiquement 10. Donc pour tout exercice, G c'est 10. En classe de 3e. Sur Terre. Voilà, sur Terre c'est 10. Okay. Sinon, même sur Terre, G a différentes valeurs. À Paris par exemple, G a la valeur de 9,81. Mm-hmm. Mais en Côte d'Ivoire, mm-hmm. G a la valeur de 9,78. Mm-hmm. Voilà, c'est sensiblement égal. Ok. Mm-hmm. Donc, on préfère retenir 10. Voilà, okay. En classe de 3e. Et l'unité qui accompagne? Oui, l'unité qui accompagne l'intensité des pesanteurs, c'est le newton par kilogramme. Newton par kilogramme. Oui. Ok. Donc, ce sont des formules à ne pas manquer, voilà. À ne pas rater aussi. À ne pas rater, à connaître. Et chaque grandeur, on doit connaître aussi les unités qui accompagnent chaque grandeur. Tout à l'heure, quand j'ai essayé d'expliquer la notion de masse, mm-hmm. j'ai dit l'unité qui accompagne la masse, mm-hmm. c'est le kilogramme. L'unité qui accompagne le poids, c'est le newton. Voilà. Souvent, les élèves de 3e font cette erreur. Ils finissent le calcul, mm-hmm. ils mettent seulement la valeur. Mais là, la valeur n'est pas accompagnée d'unité. Et quand c'est comme ça, bon, monsieur, on a trouvé. Mais en physique, quand une notion n'est pas accompagnée de son unité, mm-hmm. c'est zéro. C'est zéro. Voilà. Parce que quand tu dis 10, mais 10 quoi? Voilà. S'il n'y a pas d'unité, c'est compliqué. C'est compliqué. Okay. Voilà. Nous avons un SMS avant de poursuivre. Il dit bonjour monsieur, je vous suis depuis Gagnoa. J'ai une préoccupation. Comment calculer masse? La masse. Oui, oui. Voilà. Donc la masse, d'abord, elle peut se mesurer sur une balance. Mais quand on n'a pas une balance, et on peut calculer la masse à partir du poids. Voilà. C'est-à-dire la masse, comme la formule P est égale à M fois G. La masse devient alors M est égale à P sur G. Sur G. Voilà. Ok. Donc, je pense que la préoccupation est soulevée. Voilà. Et c'est pour tout le monde d'ailleurs. Oui, hein, oui. Parce qu'il y a des exercices aussi où on ne donne pas exactement masse, mais on donne, on donne le poids. Et voilà. On donne G. Oui, donc, c'est ça. Il faut aussi déduire, faire des déductions. Des déductions. C'est ce qui complique aussi au niveau des élèves. Ok, oui, donc c'est vous ça. Poursuivez. Voilà. Donc, j'étais sur l'intensité G. Mm-hmm. Voilà. Et G. L'intensité des pesanteurs nous permet de trouver la valeur du poids si on connaît la masse. Donc, c'est comme ces deux notions sont liées, généralement, dans le langage courant, on assimile en même temps la masse au poids. Mais c'est carrément différent. C'est carrément différent. Voilà. Okay. Et comme G, qui est le multiplicateur de la masse pour avoir le poids, varie, le poids également varie. Vous voyez, vous, on remarque tous hein, sur, quand on regarde les images, par exemple, d'astronautes sur la Lune, on voit que pratiquement ils flottent dans l'air. Voilà. Tout simplement parce que l'intensité des pesanteurs au niveau de la Lune est un peu faible. C'est pratiquement 1,62. Donc, toutes ces unités-là doivent être bossées par cœur. Non, non. On donne ces valeurs-là aux élèves de 3e. Aux élèves de 3e, oui, ok. Pour pouvoir faire des calculs. Voilà. Donc, la Lune active faiblement les objets par rapport à la Terre. Comme l'attraction de la Lune est faible, vous voyez que les astronautes ont tendance à flotter parce que la Lune attire moins. Donc, le poids d'un objet sur la Lune est plus faible que le poids de ce même objet sur la Terre. Mais la masse, elle reste invariante. Ok. Je viens de recevoir un SMS qui dit « Bonjour monsieur, j'aimerais savoir si l'unité de la masse varie ou reste comme ça. C'est toujours en kilogrammes ou on peut donner des exercices où on peut trouver masse égale à peut-être... voilà, est-ce que ça varie ?» Oui. La masse est exprimée dans les unités de masse. Et les unités de masse, j'ai dit tout à l'heure, l'unité internationale, l'unité internationale, c'est le kilogramme. Mais il y a les unités de masse qui accompagnent le kilogramme, telles que le gramme, la tonne, par exemple. Donc, en fonction de la valeur que nous avons, on peut exprimer la masse en tonnes, par exemple. Si on a peut-être... quelque chose de très gros, de très grand, au lieu d'exprimer en kilogrammes, peut-être au lieu de mettre 1 million de kilogrammes, on pourrait exprimer en tonnes pour que le nombre soit un peu plus réduit. Okay. Parce que une tonne, par exemple, 1000 kilogrammes font une tonne. Donc, au lieu d'écrire 1000 kilogrammes, on peut mettre une tonne, par exemple. Et puis, c'est à l'élève maintenant voilà. Maintenant, c'est à l'élève de pouvoir faire les conversions. Parce que c'est une bonne question. La formule P est égal à M fois G, se calcule, mais en mettant toujours la masse en kilogrammes. En kilogramme. Voilà. Donc, dans certains exercices, la masse peut être en tonnes ou la masse peut être en grammes. Il faut pouvoir faire ces conversions-là pour ramener la masse en kilogrammes avant de faire le calcul. C'est pourquoi nous demandons aux élèves de revenir, parce que ce sont des choses qu'on voit à l'école primaire, les conversions, les tableaux de masse, tout ça. Mais, quand on arrive en troisième, on remarque qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent pas. Or, nous avons une contrainte de temps. On doit terminer le programme. Ça fait que pour revenir, si ces notions-là, c'est souvent difficile. Mais on le fait. Okay. Donc, voilà. On est comme en classe. Hein? Oui. Après des explications, on va certainement à un exercice. Oui. Donc, vous nous proposez des exercices. Je viens de recevoir un lot d'exercices ici qui m'est venu avec des élèves, mais on va aller avec votre exercice d'application. On appelle ça généralement exercice d'application. Oui, c'est ça. Après un cours, il faut un exercice d'application. C'est ça. Donc, on va aller avec votre exercice d'application et revenir avec mes exercices que je viens de recevoir. D'accord. Donc, bon, le premier exercice, il s'agira de répondre par vrai ou faux, par exemple. Donc, je donne l'intensité des pesanteurs sur la Terre et sur la Lune. Donc, sur la Terre, c'est 10. Et sur la Lune, on va prendre 1,6 newton par kilogramme. Okay. Donc, je prends pour un paquet de sucre qui pèse 1 kilogramme. Donc, le paquet de sucre pèse 1 kg. Mm-hmm. Et la première phrase, on va répondre par vrai ou faux. Mm-hmm. Son poids sur la terre est 1 newton. C'est-à-dire point par quai de sucre qui a pour masse 1 kg. Son poids sur la terre sera 1 newton. Vrai ou faux? Vrai ou faux. Voilà. Donc ici, on cherche le poids. Donc je prends toujours la formule P qui est égale à M fois G. Ça, ça se fait au brouillon. Voilà, ça se fait au brouillon. Donc, j'y cherche dans... Quand on vous donne un exercice, dans l'exercice, il y a ce qu'on vous donne comme renseignement qui vont vous permettre de calculer ou bien de trouver la réponse. Voilà, donc, il faut identifier, dans tout ce qu'on vous donne, il faut identifier ce qui est nécessaire. Donc, pour avoir le poids, je cherche la j'ai besoin de la masse et j'ai besoin de G, qui est l'intensité représentée. Donc, les 1 kg qu'ils ont donné pour le paquet de sucre, ça représente la masse. Et la réponse dit clairement son poids sur la terre. Sur la terre. Donc, on va prendre G. G qui est égal à 10 sur la terre. À 10 sur la terre. Okay. Donc, 1 multiplié par les 10. Normalement, son poids doit être 10 newtons. 10 newtons. Voilà. Donc, ici, la réponse dit que son poids sur la terre est 1 newton. Donc, c'est faux. C'est faux. Voilà. Donc, c'est pour rappeler aussi que les exercices, comme on a l'habitude de donner à l'examen, sont basés sur, effectivement, des calculs. Il ne s'agit pas de mettre vrai ou bien faux par hasard et puis avancer. Voilà. Donc, vous voyez cette méthode. J'ai calculé avant de mettre vrai, de mettre faux. Voilà. La deuxième phrase, c'est, on dit, sa masse est 1 kg sur la Lune. Donc, on a dit le paquet de sucre qui pèse 1 kg. Maintenant, on dit, sa masse est 1 kg sur la Lune. Vrai ou faux? Vrai ou faux. Voilà. J'ai dit, dans ma définition de la masse, j'ai dit après que la masse ne varie pas d'un endroit à un lieu. La masse ne change pas. Donc, si le carreau de sucre a pour masse 1 kg sur la Terre, ça aura aussi 1 kg sur la Lune. Donc c'est vrai. Voilà. Okay. Voilà. Donc, il y a des déductions, il y a de la finesse dans les exercices. Il faut être souple aussi parce que c'est toujours les formules qui reviennent. Voilà, c'est toujours les formules qui reviennent. Et la troisième phrase dit, son poids sur la Terre est 10 newtons. Voilà. Si vous avez pu trouver la première réponse, c'est la même chose qu'on fait dans la troisième réponse. Il faut prendre, on dit son poids sur la Terre est 10 newtons. Donc on cherche le paquet de sucre qui est 1 kg. Qui a 1 kg. On cherche maintenant le poids. On cherche maintenant le poids. En faisant la masse multipliée par G qui est sur la Terre. Donc la masse, c'est 1 multiplié par G qui est 10. Donc, ça fait 10 newtons. Donc, c'est vrai. Voilà. Dans la quatrième... La quatrième phrase. On dit, sa masse sur la Lune est 625 grammes. Vrai ou faux? Oui. Donc, le paquet de sucre qui a 1 kg. 1 kg. Si on envoie ce paquet la Lune, sur la Lune... Est-ce que sa masse va devenir 625 grammes? Non, c'est faux. C'est faux. Voilà, parce que la masse ne varie pas. Ok. La masse va rester toujours 1 kg. Et la dernière phrase, c'est son poids sur la Lune est 1,6 newton. Son poids sur la Lune est 1,6 newton. Donc, on cherche cette fois-ci son poids sur la Lune. Sur la Lune. Voilà. Et je reprends toujours la même formule, le poids qui est égal à la masse multiplié par G qui est l'intensité. Donc la masse c'est 1 kg. Mais cette fois-ci, comme on a dit, son poids sur la Lune. Donc on prend la valeur de G sur la Lune qui est 1,6. Donc la masse qui est 1 kg multiplié par G qui est 1,6, ça va faire 1,6. Donc effectivement, ça c'est vrai. C'est voilà. Donc, il suffit seulement d'être regardant. Voilà, regardant. Parce que tout est déjà donné dans l'exercice. Oui, tout est donné dans l'exercice. Et en même temps que vous allez répondre aux questions, il faut se rappeler de ce qu'on va faire, ce qu'on a fait au cours. Voilà. C'est important. Donc, c'est important. Voilà. Ok. Merci, professeur Gwesalia. Oui. Si vous avez d'autres exercices, on peut poursuivre avant d'aller, puisqu'il nous reste pratiquement 15 minutes avant de clore cette émission. D'accord. Ok. Donc, j'ai un deuxième exercice où, cette fois-ci, nous allons choisir la bonne réponse. J'ai trois phrases et avec des propositions de réponse. La première phrase, un petit 1, donc on donne G qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Mm-hmm. Donc on suppose qu'on est sur la Terre. Tout à fait. Et une boule en acier de poids 30 newtons a une masse de 2 points. Donc on va choisir la masse. Mm-hmm. Donc la boule a pour poids 30 newtons. Mm-hmm. Et cette fois-ci, on nous donne des propositions de masse. Mm-hmm. On dit a pour masse, petit a, 0,3 kg. Mm-hmm. Ou bien 30 kg. Mm-hmm. Ou bien 3 kg. Voilà. Mm-hmm. Donc, il faut choisir la valeur de la masse entre 0,3 kg. Mm-hmm. Ou 30 kg. Ou encore 3 kg. Là encore, on va se rappeler de notre cours. De notre cours, voilà. Disant que si P égale à M fois G, oui, donc M la masse égale à P sur G. P sur G. Donc, voilà. Donc automatiquement, donc, ça, on peut faire. Oui, donc, ça fait 30 oui. divisé par 10. Je fais en même temps que vous. Oui. Ça me donne 3. 3. Donc, c'est la troisième réponse qui est juste. C. Donc, c. vous entourez seulement voilà. donc, que C. Voilà, donc on entoure la réponse C. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Procéder. Mm-hmm. La deuxième phrase me dit un sac de riz de masse 50 kg a pour poids petit a 0,5 newton, petit b 5 newton ou petit c 500 newton. Ok. Voilà. Donc là on demande de trouver le poids. Voilà. Or, on a la masse et puis on a l'unité voilà. pesanteur, l'intensité de pesanteur qui est G. Okay. Voilà. Donc, c'est tout simplement la formule P est égale à M fois G. Donc, on va calculer en même temps voilà. que vous. Masse, on sait que masse égale à 50. 50. Et puis G, puisque c'est sur la Terre, c'est 10. C'est 10. Donc, multiplié par 10, oui. ça nous donne automatiquement 500 newtons. Voilà. 500 newtons. Ok. Donc, on prend 500 newtons. Et la dernière phrase qui va nous permettre également de calculer G aussi. Un robot de masse 15 kg a pour poids sur une planète, sur la planète Mars plutôt, 54 newtons. Donc on a donné la masse du robot et on a donné le poids du robot. Mais on dit que le robot est sur la planète Mars. L'intensité de pesanteur sur la planète Mars est 2 points. G est égal à 36 newtons par kilogramme. Ou bien, petit b, G égale à 3,6 newtons par kilogramme. Ou bien, petit c, G est égal à 0,36 newtons par kilogramme. Okay. Voilà. Non. Et G se calcule en faisant le poids divisé par la masse. Par la masse. Voilà. Donc, on a donné la masse qui est 15 kilogrammes et on a donné le poids qui est 54 newtons. Donc, pour trouver la valeur de G, je vais faire les 54 divisé par la masse qui est 15. Ça nous donne automatiquement 3,6. Ça nous donne 3,6, donc, qui est la réponse B. B. Okay. Voilà. Donc, toujours est-il que il faut mémoriser ces formules. Ces formules. C'est une question de jeu, hein. Oui, c'est une question de jeu. P égale à M fois G. Oui. M égale à P sur G. Oui. Donc, pour trouver G aussi, donc c'est voilà. les règles de 3. Les règles de 3 également qu'il faut mémoriser. C'est ça. Ok. Donc, pour maîtriser les physiques, il faut avoir une bonne base en mathématiques. En mathématiques. Voilà. Ok, nous venons de recevoir un SMS qui revient encore sur les définitions. Il dit « Bonjour monsieur, je suis Marie depuis Ngatakuro. J'aimerais savoir les caractéristiques du poids. » Oui, les caractéristiques du poids, bon, c'est comme le poids est une force, et ça ramène aussi à une autre notion. Les forces sont invisibles. Voilà, on ne voit pas une force. Mais on sent les effets d'une force. Voilà. Donc, les forces peuvent se définir par leur effet. On a un effet, une force. Quand une force s'exerce sur un corps, ça met le corps en mouvement. Donc, on représente les forces très souvent par des vecteurs qu'on voit en mathématiques. Et pour le poids, le vecteur qui représente le poids, c'est le vecteur P. P. Ses caractéristiques. D'abord, son sens. sa direction. Mm-hmm. La direction, on dit c'est la verticale. Mm-hmm. Donc je donne d'abord la première caractéristique qui est la direction. Mm-hmm. La direction est verticale. Verticale. Voilà, mm-hmm. vers le centre de la terre. Okay. Voilà. Et le sens, c'est du haut vers le bas. Du haut, voilà, vers le bas. Du haut vers le bas, parce que c'est la terre qui attire les objets. Donc les objets tombent sur la terre. Donc le sens, c'est du haut vers le bas. Mm-hmm. Maintenant, son point d'application, c'est-à-dire là où le poids s'exerce, c'est le, on appelle ça le centre de gravité, mm-hmm. qui est pratiquement le centre de l'objet. Tout à fait. Voilà. Et la dernière caractéristique, mm-hmm. c'est la valeur. La valeur doit se calculer. Parce que la formule qu'on vient de donner là, c'est-à-dire P est égal à M fois G. Mm-hmm. Donc il y a quatre caractéristiques pour le poids. Il y a la direction qui est verticale. Mm-hmm. Il y a le sens qui est du haut vers le bas. Mm-hmm. Il y a le point d'application qui est le centre de gravité. Mm-hmm. Et il y a la valeur qui se calcule en fonction des exercices. Mm-hmm. Voilà. Souvent, les élèves mettent seulement la formule. Mm-hmm. Mais en fonction de l'exercice, on calcule la valeur. Okay. Voilà. Et l'unité de mesure aussi ne fait pas des caractéristiques? Non, l'unité de mesure ne fait pas partie des caractéristiques, mais l'unité de mesure doit se mettre au niveau de la valeur. Quand on calcule, si tu as trouvé un 10, mm-hmm. tu vas mettre 10 newtons. Voilà. Ok. Et là, il nous reste pratiquement quelques minutes avant de conclure, mais nous avons un exercice qui m'est parvenu d'un élève de 3e. Oui. On va aller rapidement avec ces mêmes questions de vrai ou faux. Oui. Donc, exercice 1, il dit, si M égale à... Vous notez avec moi, hein? Oui. Vous notez avec moi. Si M égale à 500 grammes, oui. et G 10 newtons par kilogramme. Oui. Le poids de l'objet est de 5000 newtons. Vrai ou faux? Donc, si M égale à 500 grammes. C'est ça. Et G 10 newtons par kilogramme. Oui. Le poids de l'objet est de 5000 newtons. Oui. Donc, vrai ou faux? D'accord. Donc, pour répondre à la question, il faut faire très attention. Mm-hmm. C'est vrai, on va appliquer la formule P est égal à M fois G. Mm-hmm. Mais vous allez constater que cette fois-ci, la masse, l'unité de la masse, c'est le gramme, mmh. 500 grammes. Mmh. Ce n'est pas un kilogramme. Tout à fait. Donc, avant de faire le calcul, mmh. il faut d'abord mettre la masse en kilogramme. Il faut faire cette conversion-là. Voilà. Et pour aller vite, mmh. généralement, quand la masse est en grammes, mmh. pour l'avoir en kilogramme, il faut diviser tout simplement par 1000. Par 1000. Voilà. Donc, ça vous... Donc, je vous aide en même temps. Voilà, c'est donc, les 500 divisé par 1000, ça vous donne ça la valeur. Ça nous donne 0,5. Voilà, donc la masse mm-hmm. sera 0,5 kg. 0,5 kg. Ok. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est avec ça qu'on va calculer et non les 500 grammes. Ok. Donc, je reviens par ma formule P mm-hmm. qui est égale à M fois G. Mm-hmm. Donc, je prends la valeur de M sera 0,5. Mm-hmm. multiplié par la valeur de G qui est 10. Ça nous donne 5. Ce qui est différent de 5000 newtons. Donc c'est faux. C'est faux. Voilà. Okay. La deuxième phrase, c'est le poids d'un objet est différent à Paris et à Abidjan. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le oui. poids d'un objet est différent à Paris et à Abidjan. Bon. Pour les élèves de 3e, on va dire que c'est vrai. C'est vrai. Mais en réalité, mm-hmm. le poids va varier. Parce qu'à Paris, comme j'avais dit, la valeur de l'intensité, si on veut être un peu plus rigoureux, mm-hmm. à Paris, la valeur de G, mm-hmm. c'est 9,81. Mm-hmm. Au Abidjan, la valeur de G, c'est 9,78. Mais comme en 3e, on admet que la valeur de G est 10, mm-hmm. voilà, donc on va trouver pratiquement les mêmes valeurs. Mais si on veut être beaucoup plus rigoureux, mm-hmm. il va avoir une légère différence. Donc là, c'est vrai ou c'est faux? Bon, c'est faux. C'est faux. Donc le poids d'un objet est différent à Paris et à Abidjan. Ah, vous avez dit différent. Hein? Oui, est différent à Paris. Si on veut être rigoureux, on va dire que c'est vrai. On va dire c'est vrai. C'est vrai. Ok. Oui, parce que la valeur de G diffère. Diffère. Mm-hmm. Donc est différent. Donc le mm-hmm. poids d'un objet est différent à Paris et à Abidjan. Et à Abidjan. Voilà, c'est compte ça. Tenu des valeurs. Mm-hmm. Donc, troisième phrase, le poids d'un objet est différent en altitude. Vrai oui. ou faux? Le poids d'un objet est différent en altitude. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez expliquer? Bon, tout simplement sur la base de la valeur de G. Mm-hmm. Parce que G va évoluer en fonction de l'altitude. L'altitude. Voilà. Ah, okay. Donc, voilà. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on a déjà deux vrais, deux faux. Mmh. Ça vous situe également, les élèves qui nous suivent. Toi, tu m'as amené ton exercice. Je pense que tu es à l'écoute. Donc, tu suis également les recommandations du professeur pour te retrouver. Donc, la dernière phrase. Donc, la masse d'un objet est 6 fois moins importante sur la Lune que sur la Terre. La masse d'un objet est 6 fois moins importante sur la Lune que sur la Terre. Mmh. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mm-hmm. D'abord, la masse d'un objet. Mm-hmm. La masse ne varie pas. Mm-hmm. Voilà, donc, quand on part sur la Lune ou qu'on reste sur la Terre, la masse ne va pas changer. Mm-hmm. Donc ici, c'est faux. C'est faux. Voilà. Ok. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons échangé en long et en large sur les généralités, parce qu'on a parlé de la physique-chimie de façon générale. Ensuite, nous sommes revenus avec le premier cours, si on peut le dire, oui. Masse et poids. Masse et poids. Et on a essayé d'expliquer les unités de mesure, la masse, le poids également. Mm-hmm. Et on a terminé avec des exercices. C'est ça. Et je pense que c'est avec 3 petits exercices qu'on vient de terminer ce chapitre. C'est ça. Le reste incombe aux élèves de pouvoir étudier véritablement leur formule. Parce que tout est une question de calcul, même si c'est vrai ou c'est faux. Mais cela demande un peu de finesse, un peu de calcul, un peu de créativité également. C'est ça. Donc, Monsieur Goué Salia, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ce troisième numéro, je rappelle, de e-learning, sortez lorsque c'est nécessaire. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sainte à tout un chacun.